La conspiration des milliardaires par Gustave Lerouge. Tome quatrième et dernier. Chapitre premier. Des amis d'autrefois. En débarquant au Havre, après 8 jours d'une traversée qui s'était effectuée dans d'excellentes conditions, l'ingénieur Olivier Cornal eut bien, tout d'abord, l'idée de sauter immédiatement dans le train express qui, en quelques heures, le mènerait à Paris. Pourtant, malgré sa hâte de retrouver ses amis, l'ingénieur Goldberg et sa fille Lucienne, ainsi que Ned Hattison, le mari de cette dernière, il se décida à rester tout au moins quelques jours au Havre. Il prit une voiture et se fit conduire dans un modeste hôtel où il retint une chambre. Puis, débarrassé de ses bagages, gardant seulement sur lui la sacoche qui contenait sa petite fortune, il alla se promener par la ville. Il se sentait joyeux et ému. Un bien-être s'emparait de lui rien qu'à se dire qu'il était en France, qu'il en avait fini avec l'Amérique et les Yankees. « 2 ans, se disait-il, voilà 2 ans que je vis avec ces hommes. Il me fallait ce temps pour être à même de les juger et d'apprécier la néfaste influence qu'exerce sur nous leur civilisation. » Sur le port encombré et grouillant d'activité, dans les rues avoisinantes que parcouraient des bandes joyeuses de marins en permission, tout ce que voyait Olivier lui semblait surprenant et gai, et lui était un sujet de joie. Il éprouvait une sensation de bonheur indéfinissable à se retrouver, après des années d'absence, au milieu d'hommes qui étaient vraiment ses semblables, d'objets qui lui étaient familiers. Cette première journée passa comme dans un enchantement. L'ingénieur se sentait renaître. Il oubliait totalement ses ennuis, ses déceptions, même son foyer détruit, pour ne plus penser qu'à l'avenir de travail et d'espérance qui s'ouvrait devant lui. Pendant toute la soirée, assis à la terrasse d'un café sur le port, il s'abandonna à une rêverie consolante et réfléchit à ce qu'il ferait par la suite. « Il faut que je retrouve Léon Goupy, » se disait-il. « À Chicago, sa situation était trop critique, les moments étaient trop précieux, pour qu'il ait pu m'expliquer par le menu ce qui s'est passé dans la réunion des milliardaires à laquelle il a assisté. » J'ai besoin de causer longuement avec lui. Les Yankees sont gens à ne pas perdre leur temps en expérience d'hypnotisme. Le but que poursuit Harry Madge est bien évident. Il veut employer contre l'Europe la mystérieuse puissance de la suggestion, de la magie et du spiritisme. Ah, si je savais seulement à quel point en sont ses travaux. Olivier Cornal se promettait bien de mettre l'ingénieur Goldberg, son maître et son vieil ami, au courant de tout ce qu'il saurait et de lui demander conseil. Depuis 2 mois seulement qu'il se livrait à l'étude des sciences psychiques, le jeune homme avait déjà posé quelques principes fondamentaux. Il se croyait sur la trace d'importantes découvertes qui bouleverseraient complètement les données superficielles dont on s'était contenté jusqu'ici pour expliquer les phénomènes psychiques. « À nous deux, M. Goldberg et moi, se disait-il, nous déjouerons les complots des milliardaires. Nous leur opposerons arme contre arme, découverte contre découverte. Il y va de l'avenir de notre race. » Il faudra bien que nous empêchions les Américains de réaliser leur monstrueux projet de spoliation de l'Europe. Le surlendemain de son arrivée au Havre, Olivier Cornal assista à l'arrivée d'un paquebot venant de New York. C'est toujours un intéressant spectacle que de voir d'abord apparaître, au loin, un point noir, qui se confond presque avec la mer, qui grossit peu à peu, se rapproche et insensiblement prend une forme distincte. Sur la jetée, toutes les lorgnettes sont braquées dans la direction du navire. On cherche à le reconnaître. Des parents, des amis sont là, attendant fébrilement le débarquement des passagers. En curieux, l'ingénieur s'était mêlé à la foule accourue pour saluer le paquebot entrant dans les bassins. Un peu à l'écart, il contemplait avec intérêt les évolutions de l'énorme bâtiment sur le pont duquel tous les passagers se tenaient impatients d'atterrir. Lorsqu'on eut jeté le double escalier, il assista au défilé des voyageurs. Rien n'était plus cosmopolite, plus rempli d'imprévus. Il y avait surtout des Américains, mais il y avait aussi des Anglais en bande, clients de quelques agences d'excursion, des Allemands complets gris, des Belges blonds et indolents, des Italiens, des Espagnols et des Français. Ces derniers étaient reconnaissables à leur empressement, à leur hâte de quitter le paquebot et de se retrouver de nouveau sur le sol de la patrie. Il y avait bien 10 minutes qu'Olivier Cornal suivait des yeux le défilé qui semblait interminable. Plus de 500 personnes étaient déjà descendues, et sur le pont, l'animation n'avait pas sensiblement diminué. Olivier allait reprendre le cours de sa promenade lorsque son attention fut attirée par l'apparition d'un groupe d'une cinquantaine d'Américains qui, les uns après les autres, s'engageaient sur la passerelle. Quoiqu'ils fussent tous vêtus avec élégance, sanglés dans des redingotes, cravatés de rouge et coiffés de miroitants chapeaux, ils ne laissaient pas d'avoir une allure étrange et mystérieuse. Sous la conduite de deux d'entre eux qui paraissaient être les chefs et qui se ressemblaient étonnamment entre eux, ils se groupèrent sur le quai dans un profond silence. Dans le visage décharné de ces hommes, les yeux seuls semblaient vivre, grands ouverts et d'une fixité inquiétante. Des yeux de fous ou d'hypnotiseurs, pensait Olivier Cornal en les observant attentivement. Qui peuvent-ils bien être? Les gentlemen américains prirent place dans les wagons du train direct qui stationnait sur le quai, et quelques instants après, ils étaient emportés vers Paris. Ce spectacle avait fort intrigué l'ingénieur. Il ne savait trop que penser. Dans la courte entrevue qu'il avait eue à Chicago avec Léon Goupil, celui-ci n'avait pas eu le temps de lui expliquer en détail tout ce qu'il avait vu, ni de lui dépeindre les deux frères Altidore. Il eut alors été fixé sur l'identité de ces hommes à la figure étrange. « Ce sont les envoyés des milliardaires américains, les hypnotiseurs de Harry Mudge », se fut-il écrié. Mais, faute de renseignements précis, il restait dans le doute, et ce ne fut que bien plus tard, dans la soirée du même jour, que cette pensée lui vint. Il régla sur le champ la dépense de son hôtel, boucla sa valise et sauta dans l'express de nuit. Rien d'étonnant, après tout, se disait-il, que les Yankees commencent de cette façon leur nouvelle campagne contre l'Europe. Ils comptent se rendre maître de tous nos secrets avant d'entamer la lutte. De plus en plus, cette idée prenait corps en son cerveau, que les hommes qu'il avait vus l'après-midi même descendre du paquebot de New York étaient des hypnotiseurs, des espions au service des milliardaires Yankees. Sous l'influence de cette idée, il lui tardait d'arriver à Meudon et de conférer avec ses amis, M. Goldberg et Ned Atchison. Il connaissait bien la petite villa et n'eut aucune peine à la retrouver lorsque le train omnibus qu'il avait pris à Versailles le déposa à la gare de la plus charmante des bourgades parisiennes. Il était à peine 8 heures du matin. La nuit avait été froide. Les toits des maisons étaient recouverts d'une couche de gelée blanche. Le sol durci résonnait comme du fer sous le talon. Dans la campagne, Olivier se trouva bientôt à l'orée du bois de Meudon dont les arbres, poudrerisés de givre, agitaient au vent leurs branches dénudées. Un détour du sentier, la petite villa des Goldberg lui apparut, avec son jardin l'entourant complètement et sa façade gaie garnie de plantes grimpantes. Il s'arrêta un moment pour la contempler. De légers flocons de fumée sortaient d'une des cheminées, les volets étaient ouverts. « Ils sont déjà levés, » se dit le jeune inventeur, « pour vos amis qui travaillent en silence. » « Comme je voudrais n'avoir pas vous apporter de mauvaises nouvelles. Vous ignorez encore ce qui se trame contre l'Europe de l'autre côté de l'Atlantique. Ned Addison sait-il même la vérité sur la mort de son père ?» À ce moment, la porte du jardin s'ouvrit. Une jeune femme apparut sur le seuil. « Lucène Goldberg !» s'écria Olivier, qui se sentit soudain ému jusqu'au plus profond de l'âme, comme elle est changée. Ce n'était plus en effet la jeune femme rieuse à l'allure sautillante de jadis. Elle parut plus grave à Olivier. Son fin visage de parisienne semblait avoir pris une expression plus sévère. On y lisait déjà la trace des soucis de l'existence. Le jeune homme s'était avancé. Il rejoignit Lucienne qui, embarrassée d'un grand carton à dessin qu'elle portait sous le bras, avait dû s'en décharger pour refermer la porte de la villa. En entendant marcher derrière elle, elle se retourna. Leurs regards se croisèrent. « Olivier Cornal !» s'écria-t-elle la première. Tandis qu'immobile et ne pouvant contenir son émotion, l'inventeur ne trouvait pas une parole. « Vous sortiez ?» finit-il par balbutier. « Oui, mais je ne sors plus. La course que j'allais faire peut être remise. Dépêchez-nous vite d'entrer, » s'écria Lucienne en ouvrant de nouveau la porte. « Quelle surprise vous m'avez faite. Et Ned et mon père qui sont en train de déjeuner. Il faut que je les prévienne. Ils seraient par trop étonnés, papa surtout s'ils nous voyaient entrer tout à coup. » À l'extrémité du petit jardin, long à peine d'une cinquantaine de mètres, le perron de la villa s'élevait entre deux massifs de rosiers dont les tiges grimpaient le long de la balustrade de fer, à peine plus d'un mètre du sol. « C'est l'hiver, » fit Lucienne en montrant les plates-bandes dégarnies et les arbustes dépouillés de leurs feuilles. « Notre jardin a perdu la gaieté que vous lui avez connue. « Attendez-moi là quelques minutes, » dit-elle mystérieusement dans le vestibule. Elle ouvrit une porte latérale. Et Olivier l'entendit qui s'écriait « Devinez, messieurs, qui vient de nous arriver. Je vous le donne en 1000. Que veux-tu dire ? Répliquèrent à la fois Goldberg et Ned Hattison, qui, comme l'avait annoncé Lucienne, achevaient de prendre leur petit déjeuner dans la salle à manger. Devinez ! C'est un de nos bons amis, qui était bien loin. Voyons si vous serez perspicace. Il y eut un moment de silence. Les deux hommes s'étaient levés. Leur visage exprimait la plus vive surprise. Ce n'est pas possible ! S'exclamèrent-ils. Est-ce Olivier Coronal ? Mais avant que Lucien eût répondu, l'inventeur avait ouvert la porte de la salle à manger et s'était précipité dans les bras de ses amis. « Mais si, c'est moi-même » s'écria-t-il en les étreignant chaleureusement. « Mon bon, monsieur Goldberg, comme je suis heureux de vous revoir. Et vous aussi, Ned. Vous êtes surpris, n'est-ce pas ? C'est bien naturel. Je ne vous avais pas annoncé mon retour. Et rien dans votre lettre ne laissait prévoir votre arrivée, dit Ned. Votre décision a été prise bien vite. Quant à monsieur Goldberg, assis dans son fauteuil, il était incapable de prononcer une parole tant il était ému. Ses yeux exprimaient un contentement sans bornes. Son regard ne quittait pas Olivier Coronal un instant. « Vous allez toujours déjeuner, monsieur Olivier, » dit Lucienne, qui rentrait une tasse de chocolat à la main. « Vous devez être brisé de fatigue. Laissez le voyageur prendre des forces, messieurs, » ajouta-t-elle en s'adressant à son père et à son mari. « Vous aurez ensuite tout le temps possible pour causer. » L'inventeur dut s'exécuter. Tout en prenant son chocolat, il comprit, à voir la physionomie de ses amis, que ceux-ci soupçonnaient de graves motifs à son départ et qu'ils allaient lui poser de nombreuses questions. Il les prévint. « Je ne suis pas seulement venu faire un voyage en France pour y passer quelque temps, » dit-il. « J'ai brisé tous les liens qui me retenaient en Amérique. Je suis absolument libre, et maintenant je ne quitterai plus la France. Le divorce doit être à l'heure actuelle prononcé entre Aurora Boltin et moi. Je vous expliquerai plus tard ce qui s'est passé. Mais, ajouta-t-il en suivant sa pensée, les journaux ont dû vous mettre au courant de beaucoup de choses. » Il se tut, attendant une réponse, un encouragement à continuer. Au moment d'aborder la question du drame de Skytown, il hésitait, ne sachant comment s'y prendre. N'avait-il pas en face de lui le fils de l'homme qu'avait tué Léon Goupy ? Et bien qu'il reniait complètement les idées de son père, qui lui laissait le Belvillois poursuivre seul son œuvre de destruction, Ned aurait-il assez d'abnégation pour envisager cette mort comme une chose inévitable et pour ne pas conserver de haine envers le meurtrier de son père ? En effet, répondit le jeune Américain, je suis resté abonné à l'un des plus grands journaux d'information de l'Union, le Chicago Life. Nous avons suivi la marche des événements, mais tous les renseignements que l'on a donnés sur l'explosion de Skytown m'ont paru absolument invraisemblables. Je compte sur vous pour me faire une opinion plus juste sur ce qui s'est passé. Ned Addison avait prononcé ces paroles très posément, sans aucune apparence d'émotion. Mais pourtant les inflexions de sa voix laissaient percer une infinie tristesse. On devinait le combat qui se livrait en lui, entre ses idées d'autrefois et ses aspirations de maintenant. Malgré tout, il souffrait beaucoup de la mort tragique de son père, mais pour des raisons faciles à comprendre, il ne voulait pas le laisser paraître. « Je vous sais gré, mon cher Olivier, » dit-il, du sentiment qui vous fait hésiter à me parler des événements de Skytown. Mais je vous assure que ces faits, quoique douloureux, n'ont à mes yeux qu'un intérêt secondaire et que votre récit, quel qu'il soit, n'éveillera en mon cœur aucune haine, ne changera en rien ma manière de voir. Vous pouvez donc me parler franchement. Je n'ai pas qualité pour juger les actes de Léon Goupy. Il a agi, je n'en doute pas, selon sa conscience. Un honnête homme a toujours raison lorsqu'il prend ses convictions comme seul critère de sa manière d'agir. Assis à côté l'un de l'autre, M. Goldberg et Lucienne écoutaient en silence. Debout auprès d'eux, Olivier Coronal fixait son regard sur le visage de Ned Hattison. Il se sentait troublé. Tant de grandeur d'âme, tant d'abnégation l'émouvaient au plus haut point. Est-il vrai, tout d'abord, que Léon Goupy se soit suicidé dans une caverne ainsi que l'a raconté le Chicago Life ? Interrogeant Ned Hattison, maîtrisant lui aussi son émotion. Non, fit Olivier. Il lui est arrivé d'incroyables aventures. Un matin à Chicago, il est tombé chez moi, exténué de fatigue, hâve, la figure décomposée, et me demandant de faciliter sa fuite. Je l'ai fait changer de vêtements à la hâte, et après lui avoir donné mes soins, je l'ai conduit moi-même à la gare de l'Atlantic Railway. Le surlendemain, il m'annonçait par dépêche son départ pour l'Europe, à bord d'un navire de commerce. Il doit être maintenant à Paris. « Mais pourquoi n'est-il pas venu nous voir ?» s'écria Ned. « Pourquoi ?» pour la même raison qui me faisait hésiter tout à l'heure à vous entretenir de ces choses. Sous ses apparences d'insouciance et de gaminerie, Léon cache un cœur excellent et une grande délicatesse. Je sais qu'il vous aime beaucoup. À Chicago, il me parlait souvent de vous. Mais il a dû se dire que les événements qui se sont accomplis en Amérique lui interdisaient de se présenter ici. Ned Addison ne répondit pas, et d'un commun accord, on ramena la conversation sur un sujet moins douloureux. Olivier Coronel ne voulait pas, tout de suite, mettre ses amis au courant de l'imminent péril que courait de nouveau la civilisation européenne. « Demain, pensait-il, je les entretiendrai sérieusement. » Ned connaît les projets des milliardaires américains, puisqu'il a assisté à la fondation de Mercury Spark et de Skytown. Il ne sera pas étonné que je les ai surpris. Puisque la mort de son père le rend complètement libre et supprime le dernier lien qui l'attachait à son passé, il acceptera sans nul doute de nous aider, M. Goldberg et moi, à sauver l'Europe du joug que le Yankee prétend lui imposer. « Vous voyez, mon ami, disait M. Goldberg, nous vivons ici, loin du bruit, dans une solitude propice aux travaux de l'esprit. Notre actuelle situation, si modeste qu'elle soit, suffit à notre bonheur. Chacun travaille de son côté, et si nous ignorons le luxe, nous ignorons aussi l'ennui. » En effet, la malheureuse tentative d'établissement du chemin de fer subatlantique avait presque totalement ruiné la famille. Lorsqu'ils s'étaient réinstallés, M. Goldberg et Ned ne possédaient plus qu'environ 200 000 francs. Courageusement, le jeune homme s'était mis au travail. Pendant une année, il s'était occupé de perfectionner et d'inventer des moteurs pour des fabriques d'automobiles, passant toute la journée à cette besogne et ne consacrant que ses soirées à ses études personnelles. M. Goldberg, de son côté, malgré son grand âge, avait fait montre d'une incroyable activité. Pour le compte d'une compagnie de chemin de fer, il avait fourni les plans d'un nouveau modèle de locomotive électrique. Aux premiers essais, la vitesse atteinte avait été de 200 km à l'heure. Grâce à la persévérance des deux hommes, le budget de la famille s'était bientôt accru d'une façon sensible, et en moins de 2 ans, Lucienne avait trouvé le moyen d'économiser quelques billets de 1 000 francs. La jeune femme était la providence de cette maison de labeur tranquille. Toujours souriante et gracieuse, sa vie s'écoulait entre son père et son mari. Habile à prévenir leur moindre désir, elle était pour l'un la compagne aimante et dévouée, sachant donner un sage conseil en affectant de le solliciter. Pour son père, qu'elle n'avait jamais quitté, elle était pleine de délicates attentions, d'enfantine et charmante familiarité, en même temps que de profond respect. Le soir seulement, réunis autour de la lampe, dans la salle qui leur tenait lieu de cabinet de travail, pendant que Lucienne, fort habile, recopiait au net les plans des machines et des moteurs, les deux hommes se délassaient en travaillant pour eux-mêmes, en échangeant leurs pensées, en se faisant part de leurs aspirations. Tous deux avaient le même amour pour l'humanité, le même idéal de bonheur et de fraternité. Ce que M. Goldberg appelait les grandes plaies sociales, c'est-à-dire la misère et ses dérivés, l'alcoolisme et la plupart des maladies épidémiques, attiraient surtout leur attention. Ils passaient de longues heures à discuter, à chercher des remèdes au mal général dont souffre toute la population ouvrière. Loin de se laisser rebuter par les obstacles, par la mauvaise volonté, souvent flagrante, de ceux que devrait préoccuper le plus la question du bien-être social, ils mettaient à contribution tout leur savoir, toute leur soif de justice et de bonheur pour trouver un soulagement efficace, une solution pratique à la terrible question sociale. Après plusieurs mois d'un travail ininterrompu, les deux hommes étaient arrivés à des résultats d'une importance réelle. De déduction en déduction, d'essai en essai, ils étaient parvenus à trouver le vaccin de l'alcoolisme, et déjà une société s'était fondée pour le propager et l'introduire partout. Cette découverte rendait M. Goldberg plus heureux et plus content de lui que tout ce qu'il avait fait jusqu'alors. « Ce sont des milliers de vies humaines qu'elle sauvera chaque année », avait-il dit dans le rapport qu'il avait présenté à l'Académie des sciences. « L'alcoolisme, c'est la grande plaie de notre société. Avant tout, il faut le combattre. Il importe d'enrayer ses progrès effrayants. L'intelligence, la force des générations futures sont en jeu. Le terrible fléau menace l'avenir encore plus que le présent. C'est lui qui remplit les hôpitaux en vidant les ateliers. Il importe de ne pas perdre de temps. Luttons pour le salut de notre race et son génie propre. En supprimant l'alcoolisme, nous aurons détruit un des principaux facteurs de la misère et de la dégénérescence. » Ce passage de son rapport, M. Goldberg le fit lire à Olivier Coronel dans une revue qu'il avait reproduit. « Combien je vous approuve, mon cher maître, dit le jeune homme. vous avez plus fait pour l'humanité que tel inventeur d'un nouveau canon ou d'un puissant explosif. C'est avec de semblables découvertes qu'on accroît le bonheur des hommes et qu'on prépare la voie aux générations qui nous suivront. Ah, si tous les savants pensaient comme vous, s'ils n'étaient pas avant tout guidés par l'intérêt et l'amour de la réclame. Dans 50 ans, l'intelligence humaine aurait vaincu tous les obstacles qui entravent sa marche. La question sociale, ce problème insoluble en apparence, serait bien vite résolu. Si la science pouvait assurer à l'homme ce dont il a besoin pour vivre, si elle le délivrait de l'impôt qu'il paye au vice pour se consoler de sa misère. Lucienne avait fini par laisser les trois hommes seuls dans le cabinet de travail. Pour fêter l'arrivée d'Olivier Coronal, elle donna des ordres à l'unique bonne qu'elle avait à son service pour préparer un excellent déjeuner, et elle-même l'accompagna au marché de la petite ville. Les inventeurs étaient encore à causer lorsqu'elle pénétra de nouveau dans le cabinet de travail pour annoncer que le dîner était servi. « À table !» fit-elle joyeusement. « Vous oublierez bien, j'en suis sûr, l'heure dure pas si je n'étais pas là pour y veiller. » On la railla quelque peu de ses prétentions et l'on passa dans la salle à manger sans abandonner du reste la discussion. Depuis 2 années qu'ils ne s'étaient pas vus, M. Goldberg et Olivier Coronal avaient bien des choses à se dire, bien des événements à se raconter. Ned Hattison, lui, toujours un peu froid, écoutait le plus souvent sans formuler d'observation. Le jeune Américain, malgré tout, ne s'abandonnait pas facilement à la gaieté. Peu causeur, paraissant même taciturne à ceux qui ne le connaissaient pas, il possédait en revanche le don de l'observation et de la logique. « Une chose qui ne m'apparaît pas clairement, dit-il tout à coup, en profitant d'un moment de silence de ses deux amis, c'est la manière dont Léon Goupil a réussi à recouvrer sa liberté. Vous m'avez dit vous-même, et je l'avais vu dans le Chicago Life, qu'il avait été muré tout vivant dans une caverne. J'avoue ne plus comprendre. « Je vais vous l'expliquer avec tous les détails que m'a donné Léon Goupil lui-même, répondit Olivier Coronal. Il fit donc le récit des aventures du Belvillois dans l'immense caverne antédiluvienne, raconta comment, après avoir échappé 20 fois à la mort, après avoir été roulé par le courant furieux d'un torrent souterrain, il s'était retrouvé dans un parc, celui de Harry Madge, et le hasard providentiel qu'il avait fait assister par la grille d'un soupirail à une réunion des milliardaires. Ned Hattison et M. Goldberg écoutaient avec attention. « Cela tient presque du miracle, » firent-ils. « Vous ne nous aviez pas encore dit cela. Mais que s'est-il passé dans cette réunion ?»« Des choses bien inquiétantes pour nous, » dit Olivier. Je m'étais promis de ne point gâter cette journée, de ne vous dire cela que demain. Mais puisque notre entretien revient encore sur ce sujet, je me décide à vous remettre de suite au courant de ce que j'ai appris. Saviez-vous qu'il s'est formé en Amérique une société de milliardaires? Et cela dans le but de ruiner l'Europe, de placer les États de l'Union à la tête de l'univers civilisé. Ce péril transatlantique que nous avions prévu bien à l'avance, dont nous parlions souvent entre nous, connaissez-vous son organisation? « Oui, mon ami, répondit le vieux savant, et Ned ne m'a pas surpris en me la dévoilant. Mais où voulez-vous en venir ? Le danger n'est plus imminent depuis l'explosion de Skytown. Plus que jamais il nous menace. Il n'a fait que changer de forme. » Et brièvement, sans s'arrêter aux détails, Olivier Coronal exposa ce qu'avait entendu Léon Goupil et le plan qu'avaient adopté les milliardaires. « Nous ne sommes plus menacés par des canons et des torpilles, » dit-il. Harry Madge, le président du Club Spirit de Chicago, a pris la direction de l'entreprise. Il a démontré à ses collègues le néant des sciences matérielles, les a fait assister à une série d'expériences concluantes sur l'hypnotisme, la lecture à distance et autres phénomènes psychiques. Les dollars des Yankees ne serviront plus à construire des arsenaux. Une somme énorme a été consacrée par eux à la fondation d'une sorte de collège des sciences psychiques où Harry Madge travaille à former des hypnotiseurs de première force. Le moment venu, ces liseurs de pensées et de documents se jetteront sur l'Europe comme sur une proie facile. Ils s'attaqueront à tous les secrets qui font notre force et s'approprieront nos armes. Voilà où en sont les événements, conclut Olivier avec amertume. Les hypnotiseurs menacent de commencer leur espionnage. Leur force est redoutable, invisible et sûre. Les secrets de nos arsenaux, de notre diplomatie, ne sont plus en sécurité. Les plans de nos forteresses, les dossiers de notre état-major seront peut-être en leur possession. Et ce n'est là que la première partie du programme que se sont fixés nos adversaires. Après, lorsqu'ils connaîtront exactement toutes nos ressources, Ils auront utilisé à leur profit toutes nos inventions. Ils entameront la lutte et nous serons désarmés contre eux si nous n'avons pas, d'ici là, réussi à les vaincre avec leurs propres armes. Olivier ne disait pas tout. Il taisait le débarquement auquel il avait assisté au Havre, de ces Américains qui lui avaient semblé être des hypnotiseurs. « Vous êtes certain de ce que vous venez de dire ?» demanda M. Goldberg. « Je dois être encore en dessous de la vérité, » dit Olivier. « Mais demain, j'aurai les renseignements complémentaires qui me font encore défaut. J'irai voir Léon Goupil et je m'entretiendrai avec lui. »« Ce serait terrible, » murmura le vieillard en s'absorbant dans ses réflexions. « Les sciences psychiques auraient-elles vraiment cette importance ?»« Les expériences auxquelles je me suis livré moi-même m'en ont convaincu. » Nous sommes en présence d'une force très énergique, presque totalement inconnue. Dans la guerre prochaine, la victoire appartiendra à celui qui réussira le mieux à capter les âmes, à celui qui découvrira le premier la grande loi de la volonté toute-puissante. » Ces paroles produisirent une impression profonde sur M. Goldberg et sur Ned. Tout entier à leur méditation, ils en étaient venus à oublier qu'ils étaient à table et ne touchaient guère au plat. Lucienne dut intervenir. Sous l'influence de la jeune femme, la conversation prit une tournure moins sévère, et le déjeuner s'acheva au milieu des éclats de la plus franche gaieté, car celui dont on parlait à présent n'était autre que Tom Punch. Comme on ne pouvait guère sortir par ce temps froid, les trois hommes s'attardèrent à causer dans le petit salon de la villa où Lucienne leur avait servi le café. Mais Ned, prétextant bientôt une occupation urgente, un travail qu'il devait livrer le lendemain, laissa seul son beau-père et Olivier Coronal. Quelques heures après, malgré les instances de ses amis qui voulaient à toute force le retenir chez eux, Olivier reprenait le train pour Paris. « J'en viendrai demain, » dit-il à M. Goldberg, « et j'aurai vu Léon Goupil. Nous continuerons notre conversation de cet après-midi. »« C'est cela, » fit le vieillard, « prenons patience. Tout n'est peut-être pas perdu, nous devons l'espérer. Il faut que nous soyons vainqueurs des hommes égoïstes et ambitieux du Nouveau Monde, et je crois que les sciences psychiques, qu'ils comptent faire servir à l'anéantissement de l'Europe, nous fourniront l'arme de notre salut. Ayons confiance en l'avenir, mon ami. Le génie de notre race ne saurait être étouffé par la jeune civilisation américaine. Il y a autre chose dans la vie que de l'or et des banknotes, et le rêve criminel de quelques hommes assoiffés de domination ne saurait prévaloir contre la force intelligente de notre race. »